Question 2. Pour tourner à droite, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.